Deuxième partie, des livres nécessaires à cette instruction. Petit 1, livres élémentaires qui doivent être la base de l'enseignement des élèves. Voyons maintenant quel livre il est bon de préparer et pour l'instruction directe et pour celle qu'on abandonne absolument à la volonté. Il est nécessaire d'avoir d'abord des livres élémentaires qui aient pour objet les diverses parties d'enseignement que nous venons d'exposer. Ces livres doivent surtout être composés pour les hommes qui ont été bornés au premier degré d'instruction, puisque les livres élémentaires destinés aux autres degrés en tiendront lieu pour ceux qui les ont parcourus. Cependant, comme ces nouveaux éléments doivent présenter les objets sous un point de vue plus rapproché des usages communs, ils peuvent encore être utiles même aux hommes les plus éclairés, car celui dont la mémoire est la plus sûre, dont la tête est la plus forte et l'intention la plus libre, est encore bien loin d'avoir à sa disposition tout ce qu'il a su et même tout ce qu'il a fait. Petit 2, ouvrages historiques. À ces ouvrages élémentaires, il faut joindre des recueils d'histoires, d'abord par traits détachés, puis renfermant la vie entière de quelques hommes célèbres. On trouverait un modèle en ce genre dans Plutarque pour les vies des guerriers, des hommes d'État. Celles qu'il nous a laissées réunissent à une collection précieuse de faits propres à caractériser les hommes et à peindre les mœurs, un choix non moins heureux de mots ou fins, ou sublimes, ou touchants. Le naturel du style, les réflexions qui, dictées par un sens droit, respirent la bonhomie, la candeur et la simplicité, enfin ce goût d'une vertu indulgente et modeste qui en consacre toutes les pages, on fait de cet ouvrage une lecture délicieuse pour les esprits justes ou les âmes pures et sensibles. Le changement des opinions et des mœurs n'en a pu détruire le charme. On pourrait employer une partie de cet ouvrage en se servant de la traduction d'Amyot qu'il serait facile de purger des fautes de langage sans lui rien ôter de sa naïveté qui l'a fait préférer encore à des traductions plus correctes mais privées de mouvement et de vie. Car il ne faut pas croire que l'agrément du style d'Amyot, la grâce ou l'énergie de celui de Montaigne tiennent à leur vieux langage. Sans doute, l'usage qu'ils font de quelques mots expressifs qui ont vieilli, de quelques formes de phrases énergiques ou piquantes aujourd'hui proscrites de la langue, contribue au plaisir que donne la lecture de leurs ouvrages. Mais rien n'exige le sacrifice de ces mots et de ces phrases. La pureté du style ne consiste pas à n'employer que les mots ou les tours qui sont du langage habituel, mais à ne blesser ni l'analogie grammaticale, ni l'esprit de la langue, dans les mots non usités, dans les formes de phrases ou nouvelles ou rajeunies qu'on peut se permettre. Elle exige de ne choquer l'usage que pour s'exprimer avec plus de propriété, de précision, d'énergie et de grâce. Et cette règle est fondée sur la raison même. En effet, toute violation de l'usage produit une impression qui, nécessairement, occupe une partie de l'attention destinée pour entendre ce qu'on lit ou ce qu'on écoute. Il faut donc un dédommagement à cette peine. Ainsi, en préparant pour l'instruction commune l'ouvrage d'un de vos vieux auteurs, rien n'empêche de conserver l'ancien mot, s'il est meilleur, mais rien ne doit non plus empêcher de le corriger, s'il n'a d'autre mérite que d'être en désuétude. Il serait plus nécessaire encore de retrancher des vies de Plutarque les prodiges, les contes, les faux jugements, les opinions absurdes qu'on y trouve si souvent. Ceux qui cherchent à connaître l'esprit du temps où il a vécu liront ses œuvres telles qu'il les a laissées. Ceux qui ne veulent qu'une lecture agréable et utile ne perdront rien à ces retranchements. On pourrait, en imitant Plutarque, donner aussi l'avis des hommes illustres modernes, et l'on préférerait les compatriotes. Il ne serait pas difficile d'écrire philosophiquement la vie chevaleresque de Bayard ou de Du Guesclin. Les hommes devenus égaux sous l'empire de la raison peuvent contempler avec plaisir comme avec fruit, au milieu de l'espèce humaine avilie, ces âmes vraiment nobles que les préjugés qui les asservissaient n'avaient pu dégrader et qu'une fausse hauteur n'avait pas rabaissée. Ils verront avec intérêt les efforts que le courage a fait pour la liberté rendue inutile par l'ignorance et par tout l'inégalité ramenant la tyrannie. Ils admireront quelques hommes rares s'élevant au-dessus de leur siècle et ne prenant de ces erreurs qu'assez pour ne pas rendre trop invraisemblable qu'ils aient pu lui appartenir. Les éloges faits dans les académies donneraient des modèles pour la vie des savants, des philosophes, des littérateurs célèbres. Dans les siècles de préjugés, ceux qui ont éclairé les hommes ont diminué souvent le mal que leur faisaient ceux qui les gouvernaient, et dans un siècle de lumière, toute vérité nouvelle devient un bienfait. L'histoire des pensées des philosophes n'est pas moins que celle des actions des hommes publics une partie de l'histoire du genre humain. D'ailleurs, les vertus simples d'hommes heureux par l'indépendance et par l'étude sont d'une imitation plus facile, plus générale que les vertus publiques d'un général ou d'un chef de nation. Il serait utile que tout homme eût les vertus d'un sage, mais bien peu trouverait à employer celles d'un héros. Et il n'est pas à désirer que beaucoup en aient ni le désir ni le besoin. Si des contes d'invention sont préférables pour les enfants, dont l'esprit naissant encore a besoin que les événements qui doivent lui servir de leçon se proportionnent à sa faiblesse, l'histoire convient mieux aux hommes. Sans être moins morale, dès qu'on est en état de l'entendre, elle est de plus une leçon d'expérience. Elle montre non seulement ce que l'on doit, mais aussi ce que l'on peut faire. D'ailleurs, si les romans sont utiles, c'est surtout quand ils cachent l'intention de l'être. Ils ne sont donc pas du nombre des livres que la puissance publique doit destiner à l'instruction directe. Petit 3, un dictionnaire, un journal, un almanach. À ces ouvrages pour l'instruction des hommes, on doit joindre des dictionnaires, des almanachs, des journaux. Ainsi, il faudrait une petite encyclopédie très courte et précisément à la portée de ceux qui n'auraient reçu que le premier degré d'instruction. Il faudrait qu'ils puissent y trouver l'explication des mots qu'ils n'entendraient pas dans les livres, les connaissances les plus usuelles, celles qui forment en quelque sorte le corps de chaque science. Enfin, l'indication des livres dans lesquels on pourrait s'instruire davantage. On y ajouterait un journal qui renfermerait les nouvelles lois, les opérations administratives, les découvertes dans les sciences, les nouvelles pratiques dans les arts, les faits intéressants de l'économie rurale. Enfin, on rassemblerait chaque année, dans un almanach, ce que ce journal renfermait de plus intéressant, de plus utile à conserver. On pourrait y repérer quelques tables utiles d'éléments nécessaires à connaître et qu'il est commode de pouvoir retrouver à volonté sans en charger sa mémoire, tels que les époques principales, quelques éléments du système général du monde, les poids et mesures, la température moyenne, la population, les productions les plus générales, les plus utiles des divers pays, le tableau de l'organisation politique de la nation. Cet almanach aurait une partie commune à toutes les divisions du pays et une particulière pour chacune d'elles. On ferait en sorte que le même ouvrage, suivant que l'on en prendrait plus ou moins de parties, pu convenir à tous les degrés d'instruction et d'intérêt. Ces livres doivent être écrits d'un style simple, mais grave. Le bonhomme Richard peut multiplier les proverbes, mais la puissance publique manquerait au respect qu'elle doit au peuple si des ouvrages adoptés par elle avaient ce genre de familiarité qui annonce une supériorité dont on veut bien faire le sacrifice. Ouvrage que l'on doit se borner à encourager. Jusqu'ici, il n'est question que des ouvrages dont la puissance publique doit ordonner et diriger l'exécution. Mais il en est d'autres qu'il faut se borner à encourager. Chaque chef-lieu d'instruction doit avoir une bibliothèque. Et en désignant des ouvrages pour être mis les uns dans les bibliothèques des districts, les autres, en plus grand nombre, dans celles des départements, on aura un moyen d'accélérer la composition, la publication des livres utiles et, en quelque sorte même, d'après leur degré d'utilité, sans être obligé à une nouvelle dépense. Ce serait à la fois et un avantage réel et une marque d'honneur pour un écrivain que de voir ses ouvrages placés dans cette liste. Mais il faudrait avoir soin de n'employer de cette manière qu'une partie des fonds destinés à chaque bibliothèque et laisser à celle qui en sera chargée l'emploi libre du reste. Par ce moyen, la puissance publique ne pourra affecter sur les opinions une domination toujours dangereuse en quelques mains qu'elle soit confiée et, ici comme ailleurs, on sera fidèle au principe de ne rien diriger qu'en respectant l'indépendance. Je placerai au nombre des travaux qu'il est bon d'encourager d'abord une édition abrégée des auteurs du XVIe, du XVIIe, mais même une partie du XVIIIe siècle qui ont une réputation méritée, telles que Descartes, Lamothe Levallée, Arnaud, Bell, Nicole, etc., car il peut être aussi utile, aussi intéressant de connaître la manière de voir de ces hommes célèbres qu'il est impossible de les lire, vu l'étendue de leurs ouvrages et ce qu'ils renferment de fastidieux, aujourd'hui que les hommes n'ont plus les mêmes opinions, ne sont plus occupés des mêmes intérêts. En effet, à mesure que les livres se multiplient, qu'il nous en reste d'un plus grand nombre d'époques, les progrès des Lumières changent en absurdité ce qui passait pour des vérités éternelles et font mépriser des questions qu'on croyait importantes. Les petits détails excitaient chez les contemporains la curiosité et l'intérêt. À peine la postérité veut-elle connaître les masses, on avait besoin de prouver longuement ce dont on ne doute plus aujourd'hui. Souvent même la forme, la nature des preuves ne sont plus les mêmes. Ce qui satisfaisait autrefois tous les esprits ne serait plus qu'un ramas inutile de lieux communs ou de vagues hypothèses. Ainsi, les livres cessent de pouvoir être une lecture commune après une période de temps d'autant plus courte que la marche de la raison a été plus rapide, où il faut, en leur faisant subir des retranchements, les rendre intéressants pour tous les lecteurs. Tandis que les savants seuls liraient encore ces originaux, ces abrégés bien faits suffiraient même aux hommes éclairés. Mais il ne faudrait pas ici, comme nous l'avons proposé pour les vies des hommes illustres destinés à l'éducation morale, retrancher ce qui ne tend pas directement à l'instruction, et on doit y laisser tout ce qui caractérise l'auteur ou le siècle. Ces livres doivent être des mémoires pour l'histoire de l'esprit humain, de ses efforts, de ses chutes ou de ses succès dans les arts, dans les lettres, dans les sciences, dans la philosophie. Celui qui se borne à ne connaître que l'époque où il vit, eût-elle sur celle qui la précède une supériorité marquée, s'expose à en partager tous les préjugés, car chaque génération a les siens, et le plus dangereux de tous serait de se croire assez près des dernières bornes de la raison pour ne plus en avoir à craindre. Une partie des ouvrages des mathématiciens, des astronomes, des physiciens, des chimistes devraient entrer dans cette collection. Quoique les progrès de ces sciences aient amené de nouvelles méthodes, il est bon de connaître celles qui les ont précédées, de pouvoir y observer la marche du génie, de le voir aux prises avec les difficultés dont nous nous jouons aujourd'hui. Une autre entreprise, non moins digne d'encouragement, serait la traduction de tous les livres un peu importants qui paraissent dans les diverses langues de l'Europe sur les sciences, sur la politique, la morale, la philosophie, les arts, l'histoire, les antiquités. Par ce moyen, chaque nation tout entière profiterait des progrès de tous les peuples. Une communication de lumière presque instantanée s'établirait entre eux, et la France, qui en serait le foyer, en retirerait les principaux avantages. Ces grands écrivains ont rendu la langue française celle de tous les hommes éclairés de l'Europe. Déjà plusieurs nations ont adopté les formes plus simples, plus méthodiques de nos phrases, en sorte que leur langue ne diffère presque plus de la nôtre que parce qu'elles emploient des mots différents et différemment modifiés. Or, si la connaissance du français ajoutait au plaisir de pouvoir lire nos bons ouvrages, l'utilité de trouver dans nos traductions tout ce qui dans les autres langues mériterait d'être connu presque au moment où ceux qui les entendent peuvent en profiter, elle obtiendrait bientôt l'honneur de devenir véritablement une langue universelle. Et de quelle utilité ne nous serait pas cet avantage ? Aujourd'hui, aucune autre nation ne pourrait ni nous le disputer, ni nous empêcher de nous en saisir. Deux seulement pourraient lutter avec la nôtre par le nombre des hommes qui les parlent, par l'étendue des pays où elles sont d'un usage commun, par le mérite et la multiplicité des livres déjà publiés dans ces langues ou que chaque année voit paraître. Enfin, par le rôle imposant que ces nations jouent dans l'Europe. C'est la langue allemande et la langue anglaise. Mais leur usage est moins répandu chez les nations étrangères que celui du français. Et cette seule raison, quand même elles imiteraient le projet que nous indiquons ici, suffirait pour faire irrévocablement pencher la balance en notre faveur. Facilité de composer les divers ouvrages nécessaires à l'instruction. Dans ces mémoires, j'ai souvent parlé de livres élémentaires destinés aux enfants ou aux hommes, d'ouvrages faits pour servir de guide aux maîtres chargés d'enseigner ces premiers éléments, de tableaux composés d'après différentes vues d'instruction. Peut-être n'est-il pas inutile d'avertir ici que j'avais formé le projet de ces ouvrages et préparé les moyens nécessaires pour les exécuter, qu'ainsi je n'ai proposé aucune idée sans m'être assuré qu'il était possible et même facile de la réaliser. L'espérance de contribuer à faciliter les progrès de la raison, à en répandre plus promptement, plus également les principes dans les générations qui doivent nous remplacer, de les préparer, en s'emparant de leurs premiers instants à recevoir ou à découvrir les vérités que la nature leur a réservées, m'aurait inspiré le courage de me livrer à ce travail. Au milieu du spectacle affligeant des erreurs et des vices qu'elles ont fait naître, il est consolant de pouvoir reporter ces jouissances vers l'avenir. Et c'est là que surtout elles existent pour ceux qui, à toutes les époques, comparant ce qui est avec ce qui pourrait être, ne peuvent jamais voir que dans l'éloignement le bien qu'ils conçoivent. Car telle est la loi de la nature, rarement sujette à des exceptions passagères amenées par des événements extraordinaires, que la raison devance toujours le bonheur et que le sort de chaque génération soit de profiter des lumières de celles qui l'a précédée et d'en préparer de nouvelles, dont celle qui la suivra doit seule jouir. Les générations naissantes n'opposent ni des préjugés, ni des passions, ni de fausses combinaisons d'intérêts personnels au bonheur qu'on veut répandre sur elles. On n'a pas besoin qu'elles y consentent. Le bien qu'on leur fait d'avance est pur et ne coûte pas même de larmes aux méchants. Pourquoi le plaisir d'y concourir ne serait-il pas encore assez attrayant quand aucune gloire n'y viendrait mêler sa séduction? N'y a-t-il donc que la gloire qui puisse donner le courage de vaincre les difficultés ou les dégoûts du travail? Et le plaisir de l'utilité, qu'on prévoit dans un avenir éloigné, ne peut-il pas suppléer à celui de poursuivre et de saisir des vérités cachées encore à tous les yeux? Pourquoi ne jouirait-on pas du bien qui n'existe pas encore et qui durera? Comme on jouit du bien qu'on a fait et qui peut-être n'existe déjà plus. Mais ce n'était pas même l'idée d'une utilité générale qui m'avait porté à m'occuper de ces projets. Ne suffisait-il pas qu'ils ne fussent point inutiles à quelques individus ou à moi-même, car nos enfants sont trop près de nous, pour que leur bonheur ne soit pas un intérêt personnel et le premier de tous? De l'instruction que l'on peut trouver dans les cabinets de machines, d'histoire naturelle, etc. À l'instruction puisée dans les livres s'unira celle que l'on peut trouver dans les cabinets d'histoire naturelle et de machines ou dans les jardins de botanique établis dans chaque chef-lieu. On aura soin de rassembler de préférence les objets qui se trouvent dans le pays même et dont la connaissance a, pour ceux qui l'habitent, une utilité plus prochaine. On choisira les modèles des machines qui peuvent être employées dans les cultures qui y sont en usage, dans les arts qu'on y pratique, dans les manufactures qui y sont établies. On placera dans les jardins les plantes du pays qui sont employées dans la médecine ou dans les arts, celles dont on croirait utile d'y encourager la culture, celles, enfin, qu'il est bon de faire connaître pour apprendre à se préserver du mal qu'elles peuvent faire, soit à l'homme, soit aux animaux. Ces cabinets seraient ouverts aux citoyens à certains jours, et les dimanches, les professeurs chargés de l'enseignement particulier des sciences naturelles y feraient une leçon et répondraient aux questions qui leur seraient proposées. Il est nécessaire d'enseigner les moyens de s'instruire soi-même par l'observation et surtout la pratique des observations météorologiques. Mais il ne suffit pas d'avoir multiplié les moyens de s'instruire par l'observation si l'on n'y joint point des leçons sur l'art et les moyens d'observer. Bergman en a donné un modèle pour la minéralogie. On en trouvera d'autres dans les ouvrages des botanistes pour la manière d'observer les plantes. Et il ne serait pas difficile de mettre les principes vraiment essentiels de cet art à la portée de tous les esprits. On insisterait sur celui de faire les observations météorologiques. L'influence des variations de l'atmosphère sur les productions de la terre, sur la santé des hommes, sur le succès même de plusieurs opérations des arts, rend ces observations très importantes. Il est vraisemblable que nous ne sommes pas éloignés du temps où il deviendra possible de prévoir ces variations, non pas avec l'exactitude et la précision des prédictions astronomiques, mais avec une probabilité assez grande pour qu'il soit beaucoup plus utile de prendre ces conjectures pour règles que de s'abandonner au hasard. Ces sortes de prédictions ne sauraient être générales, mais, suivant la nature des phénomènes, elles peuvent embrasser des espaces plus ou moins grands. Ainsi, on prédirait avec une égale justesse le temps qu'il doit faire dans une telle vallée et celui qu'il doit faire dans telle autre. Mais la prédiction ne serait pas la même pour toutes deux. Les phénomènes des marées, qui dépendent d'une cause générale plus simple et dont l'effet est moins altéré par d'autres influences, ne suivent pas rigoureusement les mêmes lois, ni dans les diverses mers, ni sur des côtes différentes, ni même sur tous les points d'une même côte. Mais la théorie générale rend raison de toutes ces inégalités. Aussi, serait-ce tout au plus à ce point que l'on pourrait porter la perfection des présages météorologiques. Une autre considération oblige d'insister sur cet objet. C'est que les hommes de la campagne se sont déjà fait un art de prédire qui, bien que dénué de toute vraie méthode et souvent dirigé par des préjugés, n'est pas absolument chimérique. Il est impossible de les empêcher de s'y livrer. Et dès lors, il devient nécessaire de leur apprendre à le perfectionner, Les signes naturels qui servent de base à leurs présages peuvent éclairer sur les conséquences qui résultent des observations faites avec les instruments, comme l'usage de ces instruments peut leur apprendre à faire de ces mêmes présages un usage plus sûr. J'aimerais à trouver dans chaque ferme un thermomètre, un baromètre, un hygromètre et dans quelques-unes un électromètre, enfin un registre où le cultivateur aurait écrit ses remarques. À le voir se servir de ses propres lumières, juger les traditions antiques comme les opinions modernes, et s'élever à la dignité d'homme par sa raison comme par ses mœurs. Les sociétés savantes servent à l'instruction en dirigeant les opinions. Parmi les moyens d'instruction pour les hommes, nous compterons encore les sociétés savantes. Il ne s'agit pas ici de leur influence sur le progrès des sciences et des arts, mais de celles qu'elles ont par leur jugement et par leurs opinions. Il est impossible de supposer une instruction telle que chaque homme soit en état de juger par lui-même de tout ce qui peut être utile, d'apprécier toutes les idées, toutes les inventions nouvelles. Car de cela seul, qu'elles sont nouvelles, il en résulte que, comme il a fallu du génie ou du travail pour les trouver, il faut, pour les juger au moment où elles paraissent, des connaissances qui se rapprochent de celles dont les inventeurs ont eu besoin dans leurs recherches. L'inégalité des esprits, celle du temps employé à s'instruire, la multiplicité des professions qui n'exercent point les facultés intellectuelles ou qui les concentrent sur quelques objets, rend ce degré de perfection impossible. Il est donc utile qu'il existe des juges sur les lumières desquelles la raison du commun des hommes puisse s'appuyer et qui les dispense non de s'instruire, mais de choisir leur instruction. Il leur est utile d'avoir un signe auquel ils puissent reconnaître l'opinion des hommes éclairés qui, lorsqu'elle est unanime et définitivement formée, se trouve presque toujours d'accord avec la vérité. Et voilà ce qu'ils trouveront dans un système de société qui embrasserait toutes les sciences et tous les arts. Ces guides n'égareront que bien rarement tant que ces sociétés renfermeront l'élite des hommes éclairés. Et si elles cessaient de la renfermer, elles perdraient leur autorité avant qu'elle pût devenir dangereuse. Quand bien même la puissance publique égarée voudrait la maintenir, ses efforts seraient inutiles. Dès l'instant où les querelles du jansénisme ont appris que la Sorbonne n'était plus l'élite des théologiens, ni la puissance royale, ni la protection du clergé n'ont pu lui conserver d'autorité parmi les amateurs en théologie. Les universités ont perdu la leur au moment où les académies ont offert au public un foyer de lumière plus brillante et plus pure. La ligue qui semble s'être formée contre elle est celle des hommes qui, aspirant à dominer l'opinion pour gouverner les hommes ou pour usurper la gloire, voudraient anéantir une barrière qui s'oppose à leur projet. Elles seront donc utiles jusqu'au moment, encore très éloigné, où il deviendra impossible d'égarer l'opinion, en même temps qu'elles contribueront à en accélérer l'époque. Ce n'est pas un instrument dont on propose ici à la puissance publique de s'emparer pour augmenter sa force, mais c'est plutôt une censure utile qu'il est de son devoir d'établir contre elle-même. Les spectacles, les fêtes, doivent être des moyens indirects d'instruction. Nous n'avons parlé jusqu'ici que des moyens directs d'instruire ou d'influencer sur l'instruction proprement dite. Il existe aussi des moyens indirects d'instruction, ou plutôt d'institutions qu'on ne doit point négliger, mais dont il ne faut pas abuser, dont il serait aussi peu philosophique de nier que d'exagérer l'importance, dont, enfin, puisque leur action existerait indépendamment de la puissance publique, il est bon qu'elles puissent s'emparer pour les empêcher de contrarier ces vues. Je veux parler des spectacles et des fêtes. On peut user de ces moyens pour rappeler fortement des époques sur lesquelles il est utile de fixer l'attention des peuples, pour nourrir en eux, pour y exciter jusqu'à l'enthousiasme, les sentiments généreux de la liberté, de l'indépendance, du dévouement à la patrie. Enfin, pour graver dans les esprits un petit nombre de ces principes qui forment la morale des nations et la politique des hommes libres. Ceux qui ont pu observer depuis un demi-siècle les progrès de l'opinion ont vu qu'elle a été sur elle l'influence des tragédies de Voltaire. Combien cette foule de maximes philosophiques répandues dans ses pièces ou exprimées par des tableaux pathétiques et terribles ont contribué à dégager l'esprit de la jeunesse des fers d'une éducation servile, à faire penser ceux que la mode dévouait à la frivolité. Combien elles ont donné d'idées philosophiques aux hommes les plus éloignés d'être philosophes. Ainsi, l'on a pu dire pour la première fois qu'une nation avait appris à penser et les Français, longtemps endormis sous le joug d'un double despotisme, ont pu déployer à leur premier réveil une raison plus pure, plus étendue, plus forte que celle même des peuples libres. que ceux qui voudraient nier ses effets se rappellent Brutus, accoutumant un peuple esclave aux fiers accents de la liberté, et au bout de 60 ans, dans le siècle où l'esprit humain a fait les progrès les plus rapides, se trouvant encore au niveau de la Révolution française. Mais ces mêmes moyens peuvent corrompre l'esprit public comme ils peuvent le perfectionner. Il faut donc veiller sur eux, mais sans nuire au droit de l'indépendance naturelle. Le théâtre doit être absolument libre. En a-t-on fait un moyen de porter atteinte aux droits des citoyens ? C'est un délit qu'il faut réprimer et la possibilité d'abuser de la liberté ne donne pas le droit de la gêner. Adoptez le principe contraire et il n'y restera rien de libre que par l'indulgence arbitraire du législateur, car il n'y a rien qui, dans les mains d'un homme pervers, ne puisse devenir un instrument de crime. Mais la puissance publique, en honorant de ses regards les théâtres où l'on parle aux hommes un langage digne d'eux, en laissant les autres dans la foule des divertissements obscurs dont elle ne daigne pas remarquer l'existence, peut aisément les obliger à se conformer à ses vues. L'on doit établir, à des jours réglés, des fêtes nationales, les attacher à des époques historiques. Il y en aurait de générales et de particulières. Une ville dont les citoyens se seraient distingués dans une occasion mémorable en consacrerait l'anniversaire par une fête. La nation célébrerait celle où elle a pu agir tout entière. Celle-ci ne pourrait dater que du moment de sa liberté. Il n'a pu exister avant elle d'événements vraiment nationaux. Mais il n'en serait pas de même des fêtes particulières. Une ville pourrait célébrer la naissance d'un homme illustre qui a reçu la vie dans ses murs ou des actions généreuses de ses citoyens. Il y a de grands hommes et de belles actions sous toutes les constitutions. Repousser l'ennemi des remparts de sa ville, se dévouer pour le salut de sa contrée, quand même on n'a pas de patrie, de telles actions peuvent être encore des modèles d'héroïsme. Ces fêtes seraient accompagnées de spectacles donnés aux citoyens. Malgré le peu de constance de notre climat, il n'est pas impossible, même dans les plus grandes villes, d'avoir non des spectacles gratis, espèce d'aumône qu'on donne au peuple et qui lui fait plutôt envier que partager les plaisirs des riches, mais des spectacles vraiment populaires. Sans doute une tragédie compliquée, remplie des maximes ingénieuses, offrant les développements de toutes les nuances, de toutes les finesses du sentiment, exigeant une attention soutenue, une intelligence parfaite de tous les mots, et même la facilité de suppléer à ceux que l'oreille n'a entendu qu'à demi. Sans doute, une tragédie de ce genre ne conviendrait pas à ces spectacles. Mais des pièces simples, où il y aurait plus d'action que de paroles, plus de tableaux que d'analyse, où les pensées seraient fortes, où les passions seraient peintes à grands traits, pourraient y être entendues. Et de la réunion de la pantomime à l'art dramatique, naîtrait un nouvel art, destiné à ces nobles divertissements. Il ne serait pas nécessaire que ces tragédies eussent un grand intérêt, pourvu qu'elles présentassent un fait historique imposant, et elles seraient préférables à la simple pantomime qui, exigeant de l'habitude pour être comprise, ne peut convenir à des spectacles qui ne sont pas journaliers. Ces pièces seraient en vers, afin que l'on en retînt plus aisément les maximes, et qu'on pût, par une déclamation un peu mesurée, se faire entendre d'un plus grand nombre de spectateurs. Elles offriraient à l'art de nouvelles difficultés à vaincre, mais aussi il en naîtrait de nouvelles beautés. Des marches solennelles, des revues et évolutions militaires, des exercices gymnastiques rapprochés de nos mœurs, différents de ceux des anciens, mais propres comme les leurs à disposer aux emplois sérieux de nos forces ou destinés à prévenir les effets des habitudes nuisibles que certaines professions peuvent faire contracter, des danses dont les figures et les mouvements rappelleraient les événements qu'on veut célébrer, tous ces jeux seraient préparés dans des lieux dont les décorations, les inscriptions parleraient le même langage, ramèneraient aux mêmes idées, et ces exercices seraient à la fois un divertissement pour la jeunesse et l'enfance, un spectacle pour l'âge mûr et la vieillesse. Les exercices des Grecs se rapportaient tous à l'art militaire, mais bientôt, dans leur enthousiasme pour ces jeux, ils firent ce qui arrive si souvent aux hommes. Ils oublièrent le but et se passionnèrent pour les moyens. Leurs gymnases créèrent des athlètes et cessèrent de former des soldats. À Rome, on fut plus fidèle à l'objet de l'institution et jusqu'au dernier temps de la République, les plaisirs de la jeunesse furent l'école de la guerre. Chez nous, c'est à diminuer l'influence dangereuse des métiers sédentaires sur la force et la beauté de l'espèce humaine, à corriger l'effet de ceux qui courbent l'homme vers la terre, à maintenir entre les diverses parties du corps l'équilibre rompu dans la plupart de ses travaux, que doivent tendre surtout ces mêmes exercices. Chez les anciens, ces métiers qui rendent l'homme moins propre aux travaux guerriers étaient réservés aux esclaves. C'était à des citoyens oisifs, à des hommes occupés de culture qui développent tous les membres, que les exercices du gymnase étaient destinés. Assez heureux pour que notre liberté ne soit pas souillée par le crime, ce sont des mains libres qui exercent tous les métiers, qui cultivent tous les arts, et ce sont surtout les hommes, dont les corps ont été pliés aux habitudes de ces métiers, que notre gymnastique doit avoir en vue. Les jeunes se prépareraient à se distinguer dans ces fêtes, et on n'aurait pas besoin de plus d'appareils pour introduire dans l'éducation l'usage des exercices utiles. Tout, dans ces fêtes, respirerait la liberté, le sentiment de l'humanité, l'amour de la patrie. On aurait soin de ne pas trop en laisser multiplier le nombre, et on se rendrait difficile pour leur accorder le nom imposant de fête publique. On jugerait avec solennité si tel homme, si telle action, tel événement est digne de cet honneur, et une fête accordée à une capitale deviendrait une récompense pour toute la province. On y proclamerait les honneurs publics accordés à la mémoire des hommes de génie, aux citoyens vertueux, aux bienfaiteurs de la patrie. Le récit de leurs actions, l'exposition de leurs travaux, deviendrait un motif puissant d'émulation et une leçon de patriotisme ou de vertu. On y distribuerait des prix et des couronnes. Les prix doivent être réservés pour ceux qui auront le mieux rempli un objet utile, par un livre, une machine, un remède, etc. Mais il ne doit pas y en avoir pour les actions. La gloire est sans doute une récompense digne de la vertu, mais la vanité ne doit pas en souiller les nobles jouissances. L'homme vertueux peut trouver une douce volupté dans les bénédictions publiques, dans le suffrage de ses égaux, mais le plaisir de se croire supérieur n'est pas fait pour son cœur, et ce n'est pas à s'élever au-dessus des autres, c'est à se perfectionner lui-même qu'il emploie ses pensées et ses efforts. D'ailleurs, pour porter un jugement de préférence, il faut avoir une échelle sûre, et elle manque pour le mérite des actions. Car ce mérite est surtout dans le sentiment qui les inspire, dans le mouvement qui les produit. Les Romains l'avaient senti. Ils couronnaient celui qui avait remporté une victoire, pénétré le premier dans une ville ou sauvé un citoyen. C'était l'action et non l'homme qu'ils récompensaient. Et ces honneurs ne pouvaient produire ni d'odieuses rivalités, ni faire prendre l'habitude de l'hypocrisie, ni être distribués par la faveur ou la corruption. On peut compter encore, parmi les moyens d'instruction, l'influence qu'un goût perfectionné a sur la morale des peuples. Les nations qui, dans les arts, qui, dans les lettres, ont un goût noble et pur, ont aussi dans les mœurs et dans leurs vertus plus de douceur et plus d'élévation. Il est possible que tantôt les mœurs perfectionnent ou dépravent le goût, et que tantôt le goût les épure ou les corrompe. Mais peu importe que l'un des deux et le premier agit sur l'autre, puisque bientôt cette action devient réciproque et que ces habitudes de l'esprit ou de l'âme finissent nécessairement par être à l'unisson. Je parlerai des arts lorsqu'il sera question de l'instruction relative aux professions diverses. Je me bornerai à dire ici que l'exemple des monuments qui dépendent de la puissance publique suffit pour former le goût général et l'emporter sur la bizarrerie des fantaisies particulières. Ces monuments sont vraiment les seules productions des arts qui existent habituellement sous les yeux du peuple, entretiennent le goût et l'émulation des artistes. Quant au goût dans les lettres, s'il est pur, s'il est sain dans les ouvrages composés par un ordre de la puissance publique, il se conservera ou il se formera dans le peuple.